Pas attendu que ce soit la mode pour rapper. Je débarque de nulle part, j'ai pas attendu qu'on vienne me chercher. Plongé dans mon sommeil, ça fait un bail que j'ai émergé. J'ai pas attendu que la réussite frappe à ma porte. Mon rap en plein essor fait des efforts afin que ça rapporte. Je suis trop impatient pour attendre un coup du hasard. Je le provoque mais j'attends pas ce qui provoque le bazar. Le temps passe et n'attend personne pour percer, je dois être actif. Pas de message négatif, je fais du son pour que mes gars kiffent. J'attends pas les coups de pouce, on se méfie tous des coups en douce. Comment faire confiance aux potes quand ils mentent quasiment tous? J'attends pas que la tension baisse, les politiques jouent les casse-cou. Les CRS sont casse-couilles, donc la jeunesse casse tout. Du plateau à la goutte d'or, on a des idées de génie. Si c'est la merde ici, Dieu merci, c'est pas la Tchétchénie. Mes rivaux guettent, j'attends pas pour les distancer. Pour savoir ce que je prévois, il faudra lire dans mes pensées. Le temps presse, j'accélère comme un 645 BMW. J'attends pas que ça se passe, vu le poids des problèmes à soulever. J'attends pas, j'écris des rimes, trop de recto verso. C'est KRNA, j'attends pas depuis que j'ai quitté le berceau. Pour réussir on prend les devants, on fait ce qu'on a à faire pour que l'avenir ne soit pas décevant. Le temps passe et n'attend pas, donc nous on fait la même. La réussite se mérite, on n'attend pas qu'on nous l'amène. On n'a plus le temps d'attendre, pour réussir on prend les devants, on fait ce qu'on a à faire pour que l'avenir ne soit pas décevant. Le temps passe et n'attend pas, donc nous on fait la même. La réussite se mérite, on n'attend pas qu'on nous l'amène. Pas attendu que ce soit la mode pour rapper, comme j'attends pas l'attentat pour te conseiller la paix. Tu sais, si la patience a des limites, la mienne n'est pas tendre, donc je n'attends plus, même si à tout faut s'attendre. Et ma persévérance, frère, ils l'ont descendu, t'as entendu, c'est tendu, alors comprends qu'on n'attend plus ici. J'en aurais vu, et faut pas que ça t'étonne, qui attendent que la vie change comme sur un coup de téléphone. Telle est la vie, faite de souffrance et d'attente. Soit tu te plantes ou tu tentes un jour de remonter la pente. Et si j'attends encore le disque d'or et de platine, j'attends pas un coup du sort pour mettre du beurre sur mes tartines. Anesthésié, nous mettre en taule, il pense qu'à ça. On préférait se retrouver entre les seins d'Anastasia. Un con qui marche ira plus loin qu'un mégassi. Et j'attends pas pour me speeder de prendre un cachet d'ecstasy. Mec, la vie est un scénar, fais gaffe quand tu tournes les pages. Si tu veux pas qu'en un clin d'œil elle se transforme en court-métrage. Pressé peut-être, vu le temps, ma tête c'est le bordel. Le jour où j'ai compris que la vie n'était qu'une maladie mortelle. Plus le temps d'attendre, pour réussir on prend les devants. On fait ce qu'on a à faire pour que l'avenir ne soit pas décevant. Le temps passe et n'attend pas, donc nous on fait la même. La réussite se mérite, on n'attend pas qu'on nous l'amène. On n'a plus le temps d'attendre, pour réussir on prend les devants. On fait ce qu'on a à faire pour que l'avenir ne soit pas décevant. Le temps passe et n'attend pas, donc nous on fait la même. La réussite se mérite, on n'attend pas qu'on nous l'amène. J'ai décidé de plus dormir et de réaliser mes projets l'année prochaine. Si Dieu veut, mes poches et mes proches verront les progrès. Plus le temps d'attendre que les producteurs me contactent. J'attends pas, donc en silence, je sors mon disque compact. J'attends pas les infos pour savoir que dans ce monde ça crame. C'est le drame dans mon crâne, la situation s'aggrave. J'attends pas ceux qui parlent trop, ceux qui jouent les pyromanes, ceux qui se cachent, ceux qui clashent, qui jouent les gangsta mythomanes. N'attends pas pour faire tourner le son dans ton département, dans ton appartement. Pas d'avertissement pour mon débarquement. J'attends pas de voir comment notre avenir se dessine, vu que nos familles se déciment quand la politique décide. J'ai pas attendu de savoir que mon pays n'est pas censé. Mes potes sont mis de côté car leur prénom n'est pas français. Malgré qu'on se donne à fond, on ne trouve pas le bon filon. Et si je t'en parle pas, c'est que mon silence en dit long. On n'a plus le temps d'attendre, pour réussir on prend les devants. On fait ce qu'on a à faire pour que l'avenir ne soit pas décevant. Le temps passe et n'attend pas, donc nous on fait la même. La réussite se mérite, on n'attend pas qu'on nous l'amène. On n'a plus le temps d'attendre, pour réussir on prend les devants. On fait ce qu'on a à faire pour que l'avenir ne soit pas décevant. Le temps passe et n'attend pas, donc nous on fait la même. La réussite se mérite, on n'attend pas qu'on nous l'amène.